C'était Affaires Sensibles. Aujourd'hui, l'attentat contre Jean-Paul II, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Mon invité me disait, demain vous faites quoi? Ben, je vais lui répondre. En partenariat avec le journal Libération, nous reviendrons sur les événements de décembre 1989 en Roumanie, la révolution confisquée.